En signe de soutien à l'appel adopté à la conférence conjointe du gouvernement, des organisations politiques et sociales de la République populaire démocratique de Corée à l'adresse de tous les Coréens, l'Association générale des Coréens en Chine a publié le 10 une déclaration et son porte-parole un entretien sous thème « Toute la nation s'unira pour finir par édifier une puissance réunifiée digne et prospère ».